À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du dirigeant Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les délégations d'organisations politiques de divers pays et personnalités ont rendu la visite de félicitations aux ambassades coréennes dans leur pays du 7 au 17 juin. Les délégations du Parti uni islamique de l'Iran, du Parti Funcinpec du Cambodge et du Parti démocrate équato-guinéen, le secrétaire général du comité central du Parti communiste bangladais et d'autres personnalités ont fleuri les portraits souriants de Kim Il-sung et de Kim Jong-il et tableaux de peinture figurant les grands leaders avant de formuler l'hommage. Les 15 et 18 courants, le président du Comité national nigérien d'études du Kim Il-sunisme, Kim Jong-ilisme, et le président de l'amicale béninoise Vive le général Kim Jong-il, et président du Comité national béninois d'études des Zé du Jutsé, ont fait parvenir des bouquets de fleurs aux ambassades coréennes dans leur pays.